Salut à tous, bienvenue dans Overdrive sur Radio Duo avec en ouverture le groupe Pain. Ils seront le 22 octobre prochain du côté de la Rayonne, anciennement le CCO de Villeurbanne, en compagnie de Enciferum, pour une date dans cette nouvelle salle de concert qui fait bien sûr référence à ce CCO. On est très proche donc du côté de Villeurbanne à Lyon, on est très proche de l'anciennement le CCO. Ça s'appelle La Rayonne, ce sera dimanche soir avec Pain, Peter Todgren, l'Hypocrisie et Enciferum. De quoi passer une superbe soirée. Voilà, dans Overdrive, restez bien à l'écoute. On devrait avoir pas mal de bonne musique, bien entendu, ainsi qu'un petit concours pour gagner des places pour un concert qui se tiendra là au fil également dimanche soir, dimanche 22 octobre. Il s'agira du groupe Cult of Luna en compagnie de Gold. Donc on en reparle un peu plus tard. Et ce sera maintenant au tour du chanteur Ronnie Atkins, qu'on a bien entendu connu au sein de Pretty Maids et également dans Avantasia. Il nous sort là son troisième album solo, ça s'appelle Trinity par Ron Atkins, avec ce dernier album sorti sur Frontiers Records. Ronnie Atkins, ce sera Ode to a Madman. Et vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. super, très, un son un peu plus travaillé, peut-être un poil plus rentre-dedans que les albums solo précédents de Ronnie Atkins. Ce que vous venez d'entendre, ça s'appelle Trinity, ça vient de voir le jour sur Frontiers Records. Là aussi, une très bonne sortie de cet automne 2023. Il s'agira des Américains de Black Stone Cherry, superbe groupe de, on va dire, hard rock un petit peu alternatif. On est à la confluence de groupes comme Lynyrd Skynyrd, ou même tout simplement un Alter Bridge. C'est extrait de l'album Screaming at the Sky. Ce sera le morceau Nervous, tout de suite par Black Stone Cherry. Yes, Black Stone Cherry, Nervous, extrait de ce dernier album du groupe américain. Toujours aussi bon, même si ils ne varient pas forcément leur musique fondamentalement. Voilà, maintenant on va passer au suédois de Crazy Legs. Ce sera Whiskey, Tango, Foxtrot pour ce WTF. Vraiment excellent, extrait de leur futur futur album. On retrouvera ici une compilation avec pas mal de morceaux réenregistrés et extraits de leur back catalogue. Et vraiment, pour les amateurs de tout simplement glam sleaze, ça dépote un max. Crazy Legs dans Overdrive Radio Dio. I don't know. Vous venez d'entendre Crazy Licks, Whiskey Tango, Foxtrot, tout de suite, et on passe à l'excellent groupe suédois, encore une fois des Suédois, décidément, ils sont bons ces petits gars avec Electric Boys et son dernier album, Grand Explosive House, ça voit le jour sur le label danois Mighty Music, et ce sera un peu ce qu'on pourrait appeler du hard rock groovy, pas mal d'influences à Hanoi Rocks, Aerosmith, Big Rock, bien entendu. Ce sera le morceau qui ouvre l'album When Life Treats You Funky. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive, Radio Dieu. C'est vraiment excellent, puis assez frais, que ce Electric Boys avec ce Grand Explosive Evos et le morceau When Life Treats You Funky. On continue avec du français et le groupe Seven Weeks qui nous revient avec un nouvel album. Ce groupe a su, à travers les années, nous concocter différents albums avec toujours un concept assez appuyé à chaque fois. Et une musique tout de même très personnelle. On était assez proche d'un rock 90s, assez années 90 au début de la formation du groupe, aux alentours de 2009. Et ils ont su évoluer vers quelque chose de plus personnel avec les réalisations et les années. Ils nous reviennent ici avec ce Fade Into Blurred Lines qui sort sur leur propre formation. Et on va s'envoyer tout de suite le morceau qui s'appelle Simmering Blue par Seven Weeks. Mmh.

Voilà par Amorphis, Daughter of Eight, extrait de ce Queen of Time en live pour un excellent groupe finlandais, Black River Sons, maintenant dans Overdrive Radio Duo avec cet album Skins. Il s'agit là du premier LP qui était sorti, enfin deuxième LP puis qui était sorti en 2019. Donc là, on a un deuxième album. Ce sera, on va dire, un mélange à la fois de classic rock, de metal, un peu comme le font certains groupes comme Black Stone Cherry, donc Black River Sons. Ici, on peut voir un certain lien de parenté entre les deux formations, No Pain, No Gain, par ce groupe Black River Sons, extrait de cet album Skins, qui voit le jour sur Music Records. Black River Sons, maintenant dans Overdrive Radio Duo. On continue avec là aussi de la très bonne musique. Il s'agira d'une annonce concert, on l'a dit, du côté du Phil de Saint-Étienne. Ce sera le 22 octobre prochain en compagnie de Gold. Vous aurez Cult of Luna avec Up the Silver Arc par The Cult of Luna. Donc on rappelle une fois de plus 0477 25 05 94 pour refler des places pour Cult of Luna. Ce sera le 22 octobre prochain au Phil de Saint-Étienne en compagnie de Gold, et on lance la musique et on a un peu appelé dès que la musique commence. We'll be right back. Voilà pour Cult of Luna. Ils seront du côté du Fil de Saint-Étienne le 22 octobre prochain en compagnie de Gold et pour l'occasion, Overdrive Radio Duo t'offre une place pour ça. Rien de plus simple. Un petit coup de fil au 04 77 25 05 94. On appelle dès que la musique commence avec le groupe norvégien Gvelertak. Passe un petit coup du dernier Prouriera Esto S Prouriera pour ces malades mexicains tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Cuando el güero odiador era presidente, cada día me despertaba y sabía que iba de rabia. Odio nuevo, odio fresco. faire tout de suite très très court. On passe au groupe français Karas, qui est tout simplement le side project du guitariste de Mass Hysteria. Ça s'appelle We Poison the Young Karas. Tout de suite, mélange de death et de grindcore, un côté un peu power violence, comme on disait autrefois, avec une grosse production Karas. Yeah. Continuer et quasiment terminer l'émission avec Black Briar dans un style très différent. Vous écoutez toujours Overdrive. Voilà, vous venez d'entendre le groupe Black Briar sur Overdrive Radio Duo. On va maintenant se quitter au son du groupe Graveyard. Graveyard, ce groupe suédois qui a mis un bon coup de pied dans la fourmilière il y a de ça une douzaine d'années avec cet album Hilsingen Blues. Son dernier album Six, c'est tout en mélodie, ce sera parfait pour conclure l'émission. On rappelle que le dimanche soir du côté du Fil de Saint-Étienne, vous retrouverez Cult of Luna avec ce groupe Gold. Donc tous les amateurs de post et puis même de bonne musique tout simplement devraient aller faire un tour du côté du Fil de Saint-Étienne. Et pour l'heure, donc on avait fait gagner des places ce soir dans Overdrive. Voilà, on va se quitter au son de Graveyard, tout en classic rock et en blues. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-duo, le www.radio-duo.org, les également podcasts des émissions qui sont hébergés sur la plateforme Mixcloud. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur le 895 de Radio Duo pour de la musique qui pulse. It's just my cold feet stepping away. I'm in the wrong place at the very wrong time. I follow you to the end of the road. Gotta get it moving on. I need to see this done. Let's take a trip to where you belong. You keep on moving, I follow you, I follow you. To the end of the road. It is a vision fading out of control.